fortunata! Viva la Madonna! Evviva! Viva la Madonna de la Garde! Evviva! Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.